Je peux être Cioè, avevo mai stata in danno, ma sapevo 5 tennisse non avevo messo in danno. E andando in tre anni, perché a me piace bene la volta, ma sai, ci esiste il mondo, dove questa è la voglia di ci. Se succede, se poi, se poi non è usato, ma se ci succede, questo è come di questo, come di diciamo, se succede, invece avete il simpì, nous a donné ses enfants, nous a mis au monde, nous a créé. mình cần nó để chỉ trả nén mình trả tăng viên của sản này thì đến mà thao được thì sẽ xây ra vào sản phẩm trong một sản này thì đến như vệ sinh thì sẽ bị sáu sản phẩm thì vệ sinh nous a amené en conséquence de une séparation de la culture, d'une mort spirituelle, donc la prédominance de la vie physique, mais nous amenant dans l'ignorance de Dieu et d'ignorer Dieu, et d'ignorer aussi le péché, qui ça, ultimement, est un enfant. Heureusement, Dieu, et dans le passage en face, c'est pour ça que je l'ajoute ici, heureusement, Dieu nous a enseigné, nous a donné sa loi, mais la loi, en fait, a démontré une chose, c'est l'abondance du péché. C'est quoi le cas, les mêmes passages. Mais Dieu, Amen, comme ça va en Jésus, son Fils, nous donnant la victoire sur le péché à la croix, et nous réconciliant avec Dieu par la résurrection. Et c'est ça le don gratuit dont on parle ici. Donc, on retourne dans cet élément-là qui est le péché. Parce que ce que je veux vraiment m'attarder, c'est pas tant à la conséquence qui est la mort, puis tous les passages de l'Écriture qui en parlent. Mais ce matin, je veux plutôt voir deux raisons, okay, pour lesquelles il ne faut jamais ignorer, diminuer, nier le péché dans nos vies, et jamais prendre pour acquis ce don gratuit merveilleux que Dieu nous donne. Donc c'est vraiment ça. Je propose d'explorer ce matin. Si on commence par la première raison, donc pour tous les hommes, on a une responsabilité, c'est de reconnaître le péché. De reconnaître, l'identifier, le scruter, c'est un peu la notion de search and destroy. Bon, c'est une étape de la chose. Bref, de creuser, de fouiller, de chercher. Sans relâche. Et c'est notre responsabilité, c'est la responsabilité de tous les hommes. Les hommes et de toutes les femmes. Fait que sans vouloir pointer, ça aide la responsabilité. Jérémie est impressionné, hein, mais c'est ta responsabilité aussi. Gilles, c'est ta responsabilité. C'est notre responsabilité à tous. C'est votre responsabilité à tous. Ce que je vous propose, en fait, c'est s'attarder à cette responsabilité-là en creusant ensemble pour s'assurer qu'on comprend ce que la parole dit par rapport à ça. Donc ici, Dieu est clair, la parole est claire. recherche, je le trouve, et Dieu m'a aidé d'une lutte de mon perçu de l'éliminer dans ma vie. Et donc, Dieu nous demande de faire ça, maintenant, sans attendre. Mais je peux quand même continuer un petit peu à dire comme, moi, je pense un petit peu, tu sais, un enfant, là, le parent dit, va faire une plage en fait. J'ai pas le goût, là, demain. C'est pas si grave que ça, là, tu sais, bordel en dessous de mon lit. Bref, c'est une responsabilité, et c'est une responsabilité qui pour aller dans le sens de ne pas être capable de faire partie du monde, de ne pas être corrompu. C'est une responsabilité qui est profonde. Okay. Nous sommes pécheurs, Dieu nous le dit, Dieu nous le répète dans sa parole, mais Jésus nous l'enseigne aussi, que je vous amène à Matthieu 5, qui est un passage qu'on a fait, on était dans Matthieu, je ne sais plus quand, peut-être l'automne passé. Matthieu 5, 21, tu sais, l'idée, en fait, je vous connaissez ce passage-là, mais c'est juste de se remettre en mémoire. Jésus nous enseigne que quiconque, tu sais, c'est. Bon, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis, donc Jésus nous enseigne que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Donc, ici, on ne parle pas de, je reviens à mon exemple de tout à l'heure, tu sais, bon, je ne tuais personne, je ne me vengeais pas, je ne frappais pas, mais à quelque part, j'avais un péché dans ma vie. Bon, si vous avez tué personne, c'est quand même une bonne chose, je suis passion. Mais et si vous avez pensé à demander, là, ce que Jésus nous enseigne, c'est qu'en fait, on est en train de le suivre. C'est ça le péché, c'est la désobéissance à Dieu. C'est pas ça que Dieu veut dans nous. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu vois un peu plus loin dans le passage et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, ok, on s'entend, c'est intéressant. Je m'en vais à l'autel, je m'en vais vers Dieu en disant Dieu, je te donne une offrande, ok, c'est ce contexte, mais si je me rappelle, j'ai un conflit avec quelqu'un, c'est vrai, c'est pas réglé ça, ben, je vais courir aller régler ce conflit-là. Que je suis désobéissant à Dieu à ce moment-là, je suis pécheur. Donc, c'est mettre en lumière ces choses-là. C'est ce que Jésus nous enseigne. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Il met en surprenant certains passages. Ensuite, Jésus nous parle d'adultère. Très bon exemple. On est été au centre-ville, je peux vous dire qu'il y a des fois plus de peau que de vêtements. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. On a une gang, ils sont rebelles, ils sont concernés. C'est facile de dire, je ne suis pas concerné, c'est facile de dire, c'est pas moi, c'est les autres. C'est facile de dire, moi, tu sais, en fait, comme on pense, c'est pas si pire, tu sais, on fait de mal à la personne. Mais en fait, c'est pas ça que Dieu nous enseigne. Dieu nous enseigne que le péché, c'est la désobéissance, c'est Dieu dans le cœur. Là que ça se passe. Fait que, donc, devant cette réalité-là auquel il faut faire face, c'est quand même une bonne nouvelle, là, je vais y arriver. C'est vraiment un exemple. Mais bon, est-ce que vous écoutez trop la télé? Est-ce que vous buvez trop d'alcool? Est-ce que vous n'êtes pas gentil avec les gens? Est-ce que vous vous concentrez vos efforts à quelque chose que vous ne devriez pas? Est-ce que la loterie, est-ce que si, est-ce que ça, c'est pas moi qui vais le dire aujourd'hui, ok, ce que la question ici, c'est que Dieu enseigne et parle à votre cœur par rapport à différentes situations de péché. Et puis c'est ça qu'il faut rechercher. Qu'est-ce que Dieu me dit? Facile de ne pas se sentir concerné, je veux pour illustrer encore là, je vais utiliser un exemple un peu banal. Es-tu des fans de sport? Je pense qu'il y a bien des gens qui sont fans de sport. Es-tu sur votre meilleure équipe get the bugs on the finale del World Cup, che se suoi costellare quelli che giochi, che se suoi perfetti e ferichi, che non sono un match importante, scusami si che perché prende la chiave, se non lo saranno, se non lo saranno, se non c'est eux qui jouent le nul, c'est eux qui dominent, comment ça se fait qu'ils sont en train de perdre, c'est terrible. Puis là, soudainement, à la fin du match, ils réussissent à prendre la prendre de dessus à la dernière seconde. Fait que là, c'est comme, tiens, vous autres, la game des cœurs. Oups. Ce qu'on dit sur la vengeance ici. C'est subtil, c'est subtil. Vous avez tous été dans les gradins, au hockey, en temps, tu l'es! Des affaires comme ça. Hein? Puis ça sort, tu vas faire, c'est normal, c'est subtil. C'est sans conséquence. Hein? C'est vrai, c'est juste. C'est comme à la radio, ou à la fin, t'as tué les têtes femmes. C'est juste des papas, c'est ça. Fait que. Non, c'est juste d'être fan de mon équipe, je les encourage. Alors, ça, tuer les autres, c'est juste un. C'est une image, il y a un vestige. Mais en fait, rien n'est sans conséquence. C'est ce que Dieu nous enseigne. Je n'irai pas là-dessus. Mais des morts, dans le sport, ça arrive. À cause de bagarre, à cause de bagarre générale, à cause de ci, à cause de ça, pas juste des incidents à la. Donc c'est pas sans conséquence. Le petit tue les, le pied qui sort dans les estrades, lors d'une finale, de, etc., a des conséquences dans le monde. T'sais, au Jardin d'Éden, la coupure, la désobéissance à Dieu qui est le péché, amène l'homme agressivement. Okay, pensez à Caïn et Abel. Dieu avait dit, tu as dans le cœur quelque chose qu'il faut que tu t'adresses. Okay, ça a amené à tuer. Okay. C'est pas ça. On a la responsabilité, la première raison pour laquelle c'est fondamental de bien comprendre le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit qu'il y avait. La première raison, c'est vraiment la responsabilité qu'on a, avoir une petite responsabilité, de rechercher, de chercher la source du péché sans péché. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle il ne faut jamais ignorer le péché, ni prendre pour acquis le don gratuit, mais c'est le don gratuit qui vient avec. Il ne faut pas prendre pour acquis. L'Henri nous a parlé de la croisière, on avait ça à la croisière, fait que là, on est tombé dans l'eau parce qu'on a fait ça. C'est quoi, c'est un objet brillant, quelque chose comme ça, fait que là, on tombe dans l'eau, pfiou! Et moi, j'ai dû, là, au fond de ça. Je suis correct. C'est-à-dire que Dieu va faire ce qu'il a à cœur de faire. Mais si, Seigneur, que j'ai pu arriver dans une belle croisière, ça, une croisière extraordinaire, c'est Seigneur. Seigneur, je te demande pardon si jamais j'ai été insouciant et que je suis tombé. Si c'est ta volonté, Seigneur, peux-tu me sauver? Fait que dans Galates 5, passage sur tout ce que j'ai souligné, mais je vais vous montrer. Frère, vous avez été appelé à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si vous mordez, si vous dévorez les uns des autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Bien, ici, on sait souvent les amis de la famille, ils n'ont pas donné leur vie à Jésus, ils ont pensé, mais moi, Dieu, je veux savoir parce que c'est le fait permet des guerres. C'est pas Dieu qui va sur le piton pour envoyer le missile. C'est pas lui qui a créé un petit conflit de rien du tout qui a mené à un grand conflit voire à many occasions I have mentioned, you know, like you have a line where it's really like, my dad says, the view selon la chair. Faire quoi de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair? J'ai donc perçu en fait que l'enfant jusqu'à accepter sa conduite. Cette reconnaissance-là, on parle de reconnaissance avec du zèle. Là, je m'amène dans l'Apocalypse. J'ai pas mal de passages. Je m'amène dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, il y a deux églises. Et la dernière, en Apocalypse 2, 4 à 5, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ouvrirai ton chandelier de sa place à nous et tu te repends. Donc, ici, on parle de souvenir de ton premier amour, de manque de zèle. Même chose la dernière église, mais pour une raison différente. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai dans la bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas ce que tu es, malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or coupé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour poindre les yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et reprends-toi. Donc, la reconnaissance de ce don gratuit est fondamentale dans notre chrétien. C'est une autre raison pour laquelle il ne faut pas ignorer le péché, pour laquelle il ne faut pas prendre le don gratuit. Connaître ce aspect reconnaissance, en fait, un point qui m'a frappé dans le préparé en ce livre. Je vais essayer de m'expliquer le plus clairement possible de transmettre. Le don gratuit n'est pas acquis. Okay. Mais s'il était acquis, ça serait aussi la raison qui est mérité, acquis dans le sens de mérité, dans quelque chose que je gagne, quelque chose que j'acquiers par mérite. Et si il est mérité, ça veut dire que c'est mérité parce que je suis parfait, parce que vous êtes parfait, Michel, c'est pas tout qui mérite. Non, on sait demander, on sait demander. Mais Dieu dit que personne n'est parfait, que personne ne le mérite, que personne n'est parfaitement obéissant à sa volonté. Si on ne croit pas, on revient à la désobéissance à Dieu. On revient pécheur. Et si on croit, ben on est pécheur. Mais au final, on s'en va à la même place. Okay. On va, en effet, de dire, Dieu, je m'humilie devant toi. Je me soumets à toi. Comme dans Jacques 4-7, passage d'actualité. J'ai pas mis de détails, passage d'actualité quand même. Jacques 4-7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Ira loin de vous. Donc, renouveler son humilité, sa soumission à Dieu, résister de toutes nos forces pour nous forcer au péché. Et dans les sentinelles, comme dans Ézéchiel 33, dans les sentinelles pour les autres, pour s'exhorter les uns et les autres, continuellement, prendre notre responsabilité de chercher le péché dans notre vie. Et puis, louer et être reconnaissant. Vas-y. Thank you.